you hear the chords? I record the chords. I record the chords. Just a minute, please. Bien de suite, Giorgio. Ah, il y a un son qui s'appelle Giorgio. Giorgio, il y a un son qui s'appelle Giorgio. Thank you. pas suivre ce que tu fais, Giorgio. J'arrive pas à ce sujet. Ah, tu commences sur quelle note? J'arrive pas à faire ta gamme. Première rêve. Tu peux pas la jouer doucement ?